Chapitre 3. Quand la CIA renversait le gouvernement iranien. 1953. L'histoire n'a pas retenu le nom de Kermit Roosevelt, à la différence de son grand-père Théodore et de son oncle Franklin, qui tous deux furent présidents des États-Unis. L'histoire a sans doute tort, car ce Roosevelt-là fut un personnage clé des relations entre États-Unis et Moyen-Orient pendant la guerre froide. Homme clé de la CIA, avant de rejoindre l'industrie pétrolière, intime de bien des princes arabes, Kermit a tiré nombre de ficelles dans le grand jeu moyen-oriental. En 1952, il contribue discrètement au renversement du roi Farouk d'Égypte par une junte militaire, dont émergera vite le nationaliste Nasser. Ce dernier, à ses débuts, accepte volontiers les fonds américains et les conseils de Kermit avant de s'élever contre les puissances occidentales. Mais c'est en Iran que Roosevelt réalise ce qui passe pour son coup de maître, en 1953. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule hésitante du jeune Shah Reza Pahlavi, qui a été porté au pouvoir par les Alliés pendant la guerre, en remplacement de son père pro-allemand. La Grande-Bretagne exerce alors un contrôle total de l'exploitation pétrolière dans la région sud du pays, à travers l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Celle-ci paye les salaires des employés, la location des terrains et des taxes, mais l'essentiel du revenu pétrolier rentre dans ses caisses. Elle touche environ 10 fois ce qu'elle paye aux Iraniens. Dès 1948, un groupe de spéculateurs américains, Overseas Consultants, s'est intéressé à l'Iran et au potentiel inexploité de la région sud. De manière fort intéressante, leur conseil juridique est à l'époque Allen Dulles, encore membre du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, futur patron de la CIA. Au début des années 1950, les mouvements nationalistes iraniens contestent au sein du Parlement la répartition de la manne pétrolière. Et le Premier ministre, pro-britannique, finit par être exécuté le 7 mars 1951. Il est remplacé par le leader nationaliste Mohamed Mossadegh, qui nationalise l'AOIC. Les Anglais, furieux, essaient alors de le déstabiliser et provoque un embargo sur les exportations de pétrole, qui prive le pays de ressources. Pro-occidental, le Shah renvoie Mossadegh, mais le Parlement le réélit aussitôt. Considérablement affaibli par la Seconde Guerre mondiale et dirigé par un leader charismatique mais vieillissant, en la personne de Winston Churchill, la Grande-Bretagne a bien conscience qu'elle ne dominera pas seule la situation et fait appel à son allié américain. Eisenhower, fraîchement élu, se montre plus favorable que son prédécesseur à une action clandestine pour renverser Mossadegh, non aligné, donc suspect de sympathie communiste. Le projet Ajax, élaboré par la CIA, prévoit un renversement quasi légal de Mossadegh par une manipulation de l'opinion publique et du Parlement. Lorsque le mécontentement envers Mossadegh arriverait à son point culminant, le Shah devrait renvoyer son Premier ministre et sa décision serait aussitôt renforcée par des manifestations de rue spontanées. Mossadegh serait ensuite remplacé par un général pro-occidental. En réalité, rien ne se passe vraiment comme prévu. Le Shah se montre extrêmement timoré et anxieux. Il tergiverse longtemps avant d'accepter le plan malgré les assurances de l'émissaire américain. Pour l'anecdote, il s'agit du général Norman Schwarzkopf, père du commandant en chef des forces américaines pendant la première guerre du Golfe en 1991. De son côté, Mossadegh aggrave son cas en ouvrant des pourparlers commerciaux avec les Soviétiques pour compenser l'embargo britannique. Ce qui fait clairement de lui un pro-communiste aux yeux du gouvernement américain. À Téhéran, les hommes de main iraniens de Kermit Roosevelt restent les bras croisés le jour du début programmé de l'opération et demande 5 millions de dollars pour exécuter le plan. Il faut les réclamer en urgence au siège de la CIA. Pendant ce temps, Mossadegh avance du complot et organise sa riposte en mobilisant ses partisans. De son côté, après avoir renvoyé son premier ministre, le Shah s'enfuit courageusement en Italie, où il tombe nez à nez dans un hôtel romain avec Alan Dulles. Après plusieurs jours d'émeutes et de contre-émeutes à Téhéran, la CIA décide d'arrêter les frais, considérant que l'opération est un échec. Mais sur place, Kermit Roosevelt parvient à mobiliser suffisamment d'émeutiers grassement payés et de fractions de l'armée pour renverser la vapeur. Le document qui suit minore quelque peu ses cafouillages. Cependant, il constitue une source incomparable, car il s'agit d'une histoire officielle rédigée à chaud après les événements par le service historique de la CIA, à usage interne, à l'aide des archives et témoignages des acteurs. Longtemps tenu secret, il permet d'analyser le tournant majeur que fut le coup d'État de 1953, ainsi que ses répercussions. C'est la première fois que les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme et en contradiction avec leur politique, choisissent de renverser directement et quasi ouvertement le gouvernement légitime d'un pays étranger, influant radicalement son histoire. À Washington, l'opération Ajax est perçue comme un grand succès qui donne à la CIA une réputation d'invincibilité et l'envie de recommencer en d'autres points chauds du globe. À peine rentré au QG de la CIA pour y recevoir honneurs et médailles, Kermit Roosevelt se voit proposer par Alan Dulles une nouvelle mission. Organiser un coup d'État en Amérique centrale, le premier d'une longue série. En Iran, le régime pro-occidental du Shah va désormais régner jusqu'en 1979 avec l'aide économique et militaire américaine et une police secrète impitoyable, de plus en plus honnie par son opinion publique. Bien entendu, l'exploitation pétrolière sera désormais partagée entre Britanniques et Américains. Rassuré par la tournure des événements, le Shah rentre d'Italie et organise une grande parade dans les rues de Téhéran. Dans la foule, un homme de 51 ans au regard sévère le dévisage fixement, l'Ayatollah Khomeini.